bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour deux heures de rock progressif. Je m'occupe de la mise en ondes et du choix musical avec la collaboration de Denis Marchand et Yves Farley. Et aussi à l'occasion, je profite de la diligence de certains auditeurs qui me font des propositions. Et ce soir, nous aurons un groupe brésilien du nom de Bacamarte qui nous a été gentiment proposé par Louis Douville. Alors, ce soir à l'émission, nous avons Tony Carey's Planet P Project, Dave Kirzner, Lunatic Soul, Guy Leblanc, Stranafonia, Solaris, Chamal, Sleeping Pulse, Palace, Lalo Hubert, Meta, Taylor's Universe, Bacamarte et Saint-Dône. Alors, nous allons débuter l'émission avec un groupe du nom de Tony Carey's Planet P Project. Tony Carey, on l'a connu surtout au début des années 80 comme claviériste du groupe Rainbow, qui était le groupe formé par Ritchie Blackmore, qu'on a connu bien entendu comme guitariste du groupe Deep Purple. Alors, Tony Carey a fait quelques disques avec Rainbow et il a ensuite pris son envol pour une carrière solo où il a enregistré deux albums en 83 et en 84 et après ça, il a formé le groupe Planet P Project pour une trilogie qui s'intitule Go Out Dancing, Part 1, Part 2 et Part 3. Et après, il a mis fin au projet et aujourd'hui, il a ressuscité l'œuvre avec le nom de Tony Carey's Planet P Project. Alors, ce qu'on va entendre, c'est une pièce de l'album Go Out Dancing Part 2 qui s'intitule White Sands. Alors, Tony Carey's Planet P Project. I was a teenager when JFK said, "We'll send a man to the moon and bring him back safely." Well, he had some help. Now, how cynical is this? Operation Paperclip, at the end of World War II, brought the German scientific hierarchy to America to design and implement the space program at White Sands, New Mexico. Pontius Pilate had less blood on his hands than this bunch. My hands are bleeding. In the middle of a conflagration, in the air over London town, like a boy's imagination, spaceships come raining down. In a cave in Peenemunde, in the last hours of the fight, in the middle of the bleeding and the wounded, the good doctor plans his flight. That's all over now. We fought to our last man. Voices of the ones who starved and died. I made my own choices. I can't kill those screams inside. I'm a man of science first. Put the first man on the moon. The French are bad, the Russians are worse. Hope the Americans get here soon. Don't let now. in white sands. In white sands. Alors, c'était Tony Carey's Planet P Project avec la pièce White Sands et c'est tiré de l'album Go Out Dancing Part 2. Je rappelle que cette trilogie, Part 1, Part 2 and Part 3, a été rééditée récemment dans un coffret de 4 CD incluant un bootleg. Alors, Tony Carey's Planet P Project. Alors, on enchaîne avec Dave Kirzner, qui est connu pour sa participation dans le groupe Sound of Contact. Il vient de sortir un album assez intéressant du nom de New World, et avec qui, en fait, avec la participation de personnages assez connus, dont Steve Hackett de Genesis, Heather Findlay de Mostly Autumn, Keith Emerson de Emerson, Lake & Palmer, Colin Edwin de Porcupine Tree et Billy Sherwood de Yes, entre autres. Alors, on va entendre, on a fait jouer la semaine dernière et on va entendre une deuxième pièce cette semaine. La pièce s'intitule Into the Sun. Alors, Dave Kirzner. Mmh. flight. Thank you. Alors, c'était Dave Kirzner avec la pièce Into the Sun. Et c'est extrait de New World, un album qui est paru récemment, il y a quelques semaines. Alors, on va clore le premier bloc avec un de mes coups de cœur de l'automne, le groupe Lunatic Soul, qui est en fait le projet parallèle du bassiste du groupe Riverside. Ce sont des groupes polonais. Et on a fait jouer l'émission deux pièces et on reprend ça ce soir avec la pièce Shutting Out the Sun et c'est tiré de l'album Walking on a Flashlight Beam. Alors, Lunatic Soul. Thank you. Alors, vous venez d'entendre Lunatic Soul avec la pièce Shutting Out the Sun, et c'est tiré de l'album Walking on a Flashlight Beam. Après la pause, Guy Leblanc, Stranafonia et Solaris de Hongrie. Alors, sur les ondes de C'est Fou FM 89.1, sur le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour la mise en onde et le choix musical. Je rappelle aussi que vous pouvez nous écouter à partir de l'application C'est Fou Live sur iPhone et aussi sur Internet à c'estfou.ca. Et je rappelle aux auditeurs qu'on peut, vous pouvez réécouter l'émission sur SoundCloud. En précisant Jimmy Farley. Alors, on débute le deuxième bloc avec Guy Leblanc, qui est un artiste qui a résidé à Ottawa les 30 dernières années. Je le pensais québécois, mais en tout cas, selon la Prague Archives, il a résidé en Ottawa, en Ontario. On le connaît avec sa participation avec le groupe Camel récemment dans les dernières tournées du groupe. Il a aussi fait partie du groupe jazz rock fusion Nathan Mal. Mais ce soir, ce qu'on va entendre, c'est une pièce de son cru, c'est-à-dire qu'il a produit deux albums, un en 1999 qui s'appelle Subversia et un en 2004 qui s'appelle All the Rage. Et c'est là qu'il a mis son rock progressif sur disque. C'est un rock surtout apparenté aux allures des années 70. Alors, on va entendre tiré de l'album All the Rage, la pièce The One Who Knows. She looks in his eyes. financing a market at stake. Illusions of commonship rule. The leap is yet made, my neck not quite fragile enough. Looking forward to the last time I saw a lesson. It's safe, I know, an obsession. Alors, c'était Guy Leblanc avec la pièce « The One Who Knows » et c'est tiré de l'album « All the Rage » qui est paru en 2004. Alors, on enchaîne avec un groupe italien, Stranafonia, qui vient de faire paraître leur quatrième album. L'album s'intitule « Il Nuovo Rinascimento » et la pièce qu'on va entendre, c'est « Effetto Domino ». Cadiamo, e per effetto domino. faccia, calda e nuda restavi, come una statua di sole, dentro un gioco di luce, e mentre ondeggiavi, io pure oscillavo, per effetto domino. Alors, c'était Stranafonia avec la pièce Effetto Domino et c'est extrait de l'album Il Nuovo Rinascimento. Alors, on va partir de l'Italie pour se rendre en Hongrie avec le groupe Solaris qui est un groupe qui existe quand même depuis 20 ans. Par contre, ils n'ont pas été très généreux en termes de discographie, seulement 4 albums. Le premier s'intitulait The Martian Chronicles et 20 ans plus tard, ben, ils viennent de sortir Martian Chronicles Part 2. Alors, on va entendre, là je vais essayer de pas me tromper dans mon hongrois, là, mais ça s'appelle Hancock et Motilbol. Alors voici Solaris. Alors, c'était Solaris de Hongrie avec la pièce Hancock et Multiball. C'est tiré de l'album Martians Chronicles 2. Après la pause, Shamal, Sleeping Pulse. Alors, Shamal est un groupe allemand qui a produit un album double récemment qui s'appelle Turn Off Part 1 and Part 2. Et ce qu'on va entendre, c'est la pièce Too Many People Part 2. Alors, voici Shamal d'Allemagne. We'll be right back. Alors, c'était le groupe Chamal avec un extrait de leur plus récent album, Turn Off, qui est un album double. Alors, c'est le 12e album du groupe qui vient d'Allemagne. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Too Many People, Part 2. Alors, on enchaîne avec un nouveau groupe britannique du nom de Sleeping Pulse, qui est en fait la collaboration avec Mick Moss, qui est un membre du groupe Antimatter, et du portugais Luis Fanzandero, du groupe Painted Black. Alors, ils ont un nouvel album qui s'appelle Under the Same Sky, c'est leur premier, et on va entendre la pièce Painted Rust. Voici Sleeping Pulse. Subjugate control. Alors, c'était Sleeping Pulse avec la pièce Painted Rust Under the Same Sky. On enchaîne avec un groupe britannique, Palace, qui vient de sortir l'album We Are Who We Are. Et c'est le 7e album du groupe qui a été assez populaire, en fait le 7e album du groupe qui a été assez populaire dans les années 80 en même temps que Pendragon, IQ et Marillion. C'était dans la même mouture. Alors ils nous surprennent avec un nouvel album qui vient tout juste de paraître. Et ce qu'on va entendre, c'est la pièce Winter is Coming. Alors voici Palace. Friends! do. They kick and punch and then they sue. Just leave me here to struggle through. Won't deal with life the way they do. Alors, c'était Palace avec la pièce Winter is Coming. C'est tiré de l'album We Are Who We Are. Après la pause, Lalo Huber, Meta et Taylors. Et avec Lalo Huber, qui est un groupe, en fait, c'est le claviériste du groupe Nexus d'Argentine. Il a un seul album à son actif qui est paru en 2009. Il s'appelle Lost in Kali Yuga. Et la pièce qu'on va entendre, c'est The Entangled World. Lalo Huber. Thank you. venez d'entendre Lalo Hubert, l'Argentin, qui est le claviériste de Nexus, avec la pièce The Entangled World, et c'est tiré de son seul et unique album paru en 2009, Lost in Kali Yuga. On va enchaîner avec un groupe américain pas très connu du nom de Meta. On leur connaît un seul album qui est paru en 2012. L'album s'intitule Harbinger. C'est un EP, un court album. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Pale Fire. Voici Meta. C'était Meta, le groupe américain, avec la pièce Pale Fire, qui est extraite de leur mini-album qui est paru en 2012, Harbinger. Le prochain groupe, c'est un groupe danois, Taylor's Universe, qui sont actifs depuis 1994 et ils ont déjà 13 albums de studio de produits. Et ce qu'on va entendre ce soir, c'est un extrait du dernier album paru en 2013. L'album s'appelle Evidence et la pièce Buildings. Voici Taylor's Universe du Danemark. We'll be right back. C'était Taylor's Universe avec la pièce Buildings. C'est tiré de l'album Evidence qui est paru en 2013.